Les médias te lavent la tête, ne te vendront pas du rêve. Parce que même avec un flingue, gros, les anges tombent pas du ciel. Chacun pour soi, et c'est ça le combat du siècle. Dans tous ces fils, mate les liasses qu'on a dû perdre, mais bon. Vas-y, laisse pédave mon spliff, dans tous les sens du terme, wesh, la neige, c'est pas mon kiff. Ni supérieur, ni inférieur, y'a qu'en radiologie qu'on peut me juger à l'intérieur. L'esprit secoué, c'est tout pétard dans ma caboche. J'ai rien à me reprocher, juste un pétard dans la sacoche. J'ai des écarts quand on me rattrape, il faut que j'arrête la course. On n'a qu'une vie et je veux tout faire pour qu'elle paraisse pas. Une page blanche pour mes idées noires. Comme un piano, moi je dialogue. Mais si je me perds, allez guidez-moi. Cet hiver, c'est pas en ville que ma ganache se traîne. Grâce au coup de pute, j'ai pu me construire une carapace de fer. Et t'attends cul en te disant si mer. On ressent les dégâts de la crise en hiver. L'espoir se fait rare comme le beau temps. Malgré les marques, le casse est grave vu qu'on est autant. Y'a pas que le temps qui change, y'a aussi les gens. J'fais ça pour le kiff, j'm'en bats les couilles de devenir une légende. Quoi qu'il arrive, faut sauver le bif. Le froid est soviétique, voilà pourquoi mes gars sont seuls les fils. Toutes les journées se ressemblent, rien n'a changé, ni même mes habitudes. J'récapitule, j'veux plus passer les hivers sous les abris, puis j'm'en bats les burnes. Dans le fond, tant que j'marque des buts, j'ai pas les thunes pour me barrer. M'accaparer mon dû dans ce bis, crade, t'es mal barré. Si tu veux rapper comme fac, rien décale la récar. Diac, maniaque dans tous les sens. Si le rap serait une fac, j'aurais eu le bac en toute aisance. Un 4, j'ai pris l'élan, j'arrive en force comme les All Blacks du New Zealand. Crois pas que ce mauvais grand, vu qu'All Night c'est nouvel an. Vaut mieux sortir couvert, mais nous maintenant, on s'efforce à faire du lourd avec amour énorme. Les couplets sortent de toutes parts et coupent les notes. L'hiver est russe et rude, mais on la course comme Usain Bolt. De la pure et dure en stock, les vers déferlent sans limite. Pire qu'un terre des terres, les rêves frôlent la ridime. Ça c'est l'effet d'hiver. Les tâtons cul en te disant si mer. On ressent les dégâts de la crise en hiver. L'espoir se fait rare comme le beau temps. Malgré les marques, le casse est grave vu qu'on est autant. Y'a pas que le temps qui change, y'a aussi les gens. J'fais ça pour le kiff, j'm'en bats les couilles de devenir une légende. Quoi qu'il arrive, faut sauver le bif. Le froid est soviétique, voilà pourquoi mes gars sont seuls et tifs. Avec le temps, certains proches viennent bizarre à mort. Nos jours c'est plus dur de trouver un taf que le bigraf la drogue. C'est pas facile d'admettre, même ton pote peut te la mettre. Dans le rap d'ici j'en connais un tas qui raconte que de la merde. Déçu des frères, ouais big up si tu comprends le thème. Ça à l'époque c'est trop vite que la confiance perd. Chacun pour soi, bienvenue en 2013. Parano, dans chaque pote j'vois un 2013. J'suis gaucher, donc forcément maladroit. On dit que la vie est belle, perso parfois j'ai du mal à le croire. J'écris par passion, mais j'ferai pas ça toute ma vie. Les jours se répètent, le même décor vient faire le tour de ma vie. Trop de questions, j'dors mal, j'ai des troubles de sommeil. En Belgique on se les caille, c'est rare qu'on trouve le soleil. J'perds mes rêves, quoi qu'il arrive, faut que j'persévère. Plutôt qu'un père absent, j'aurais aimé un père sévère. Les tâtons cul en te disant si mer. On ressent les dégâts de la crise en hiver. L'espoir se fait rare comme le beau temps. Malgré les marques, le casse est grave vu qu'on est autant. Y'a pas que le temps qui change, y'a aussi les gens. J'fais ça pour le kiff, j'm'en bats les couilles de devenir une légende. Quoi qu'il arrive, faut sauver le bif. Le froid est soviétique, voilà pourquoi mes gars sont seuls et